Vous tenez une grande banderole qui tranche, mort à la dette. Oui, mort à la dette. Vous pouvez expliquer ? Comment ? Vous pouvez expliquer ? Nous, en fait, on demande un moratoire sur la dette. Un moratoire sur la dette, sur cette dette illégitime et odieuse. Et on souhaite, en fait, arrêter cette dette, en fait. La dette publique, c'est le PIB, c'est l'équivalent du PIB, c'est 2400 milliards. La dernière, ça a été 42 milliards d'intérêts. On rembourse que les intérêts. Il faut savoir que les 42 milliards d'intérêts, ça équivaut au total de l'impôt sur le revenu. Donc 42 milliards. C'est le deuxième budget de l'État. Et voilà, c'est pour ça qu'on dénonce ça, en fait. Et vous, vous faites partie d'un groupe précis ou vous êtes des personnes réunies ? Pas encore. On essaie de créer un groupe de notre côté et faire de la data, comme on dit. Éplucher un peu tout ce système, en fait, que ce soit le monde financier, l'oligarchie financière et médiatique, ainsi que les think tanks. Comme on peut voir maintenant beaucoup de vidéos sur le think tank Terra Nova, sur l'Institut Montaigne aussi qui a participé au CAP 22, au projet CAP 22. On y retrouve Cirelli d'ailleurs, Jean-François Cirelli. On y retrouve la CFDT a participé, l'UNSA a participé aussi. Enfin, donc on est en plein dedans. Après, essayez en fait de jeter un petit coup d'œil sur CAP 22. Parce que CAP 22, c'est le projet économiser 30 milliards sur le service public. Donc nous, on est dehors pour les pompiers, les hôpitaux, tout ce qui va plus en France. Et là, le projet, c'est d'économiser encore 30 milliards sur le service public. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Votre prénom, c'est quoi ? Elliot. Merci, Elliot. Merci beaucoup. Au revoir.